tout de suite la proposition de Yvonne Harder qui, comme régulièrement, presque tous les jours, va interviewer un élément du festival qui ne dit pas son nom et dont on vous laisse le soin de deviner la place et la forme et la personnalité. Et l'identité. À toutes. Salut Objet. Bonjour Festival. Voici notre invité mystère du jour, un objet de la scénographie du Festival Archipel 2024 que nous sommes allés rencontrer chez lui pour qu'il nous raconte quelques anecdotes de sa vie. À vous, chers spectateurs et festivalières, de découvrir son identité. Cher Objet, qui êtes-vous vraiment ? Je suis plate, je suis douce, ah, oui. Je suis blanche. Ça raconte déjà pas mal de choses. Et oui, moi je suis plate, mais tant qu'on a l'habitude de me voir dans ce festival, où je viens prêter main forte depuis 3 ans, on a l'habitude de me voir plutôt vallonnée, mais c'est vrai qu'en soi, je suis plate. Voilà. Ah, on pourrait aussi encore dire que je suis grande, je veux dire, je prends pas mal de place. Et les enfants m'adorent. Ah. Et, non seulement les enfants m'adorent, mais aussi les techniciens aiment faire une petite sieste sur moi. Ok, bah ça donne déjà vraiment beaucoup d'informations. Donc ça fait pas depuis seulement cette année que vous venez, si vous êtes déjà habitué à ce festival. Oui, tout à fait. Et vous avez fait quoi avant de venir au festival ? Alors, avant de venir dans ce festival, j'avais déjà un lien très fort avec la musique contemporaine, parce que j'ai déjà travaillé sur une installation de la Montaillon à Lausanne, je crois. Ah. En tout cas, dans le canton de Vaud. Ah. Oh. Et suite à ça, on m'a invité à venir dans ce festival où, du coup, j'essaye de me tenir bien. C'est pas facile parce que je suis un peu pâle, Je prends facilement, les saletés, mais j'essaye de me tenir suffisamment bien pour pouvoir encore suivre au moins encore une édition de ce festival. Ok, d'accord. La Montaillon, c'est vrai que c'est déjà vraiment plein dans le mille, on a envie de dire. Oui, tout à fait. C'est pas comme si... Il n'y a pas tous les membres de ma famille qui interviennent forcément dans la musique contemporaine. On peut nous trouver vraiment à plein d'endroits. Et souvent, on se fait vraiment piétiner par les humains, d'ailleurs. Oui. Je préfère qu'on dise on aime les chaussures. Ok, d'accord. Oui, je vois. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont plu particulièrement dans le festival par le passé ou dans le futur, des choses desquelles vous vous réjouissez ? Oui, j'ai vraiment bien aimé par le passé tout ce qui était moment libre au jeu. Parce que vraiment j'adore quand il y a des enfants des festivaliers qui font des clowns sur moi et puis qui rigolent trop et puis qui se jettent dessus, ça c'est vraiment très plaisant. D'accord, ok. Et dans le futur, je me dis que ça va être marrant quand il y a des personnes qui vont faire un stage d'aquarelle dans l'eau sur moi, donc je me dis que ça, ce serait une manière de se faire tâcher par la lumière et pas forcément par la peinture, parce que c'est vraiment très difficile à enlever. Et donc on vient avec ça, il y aura un concert dimanche 21 à 16h30 qui s'appelle Vox Babaye Maye, donc la voix de la baleine. Okay. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça m'intrigue, donc je suis réjouie. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur votre passé. Et ce qu'on entend là dans le background, comme disent les English, c'est donc un petit extrait de votre enfance, ou plutôt des sons de votre enfance. Et on se réjouit de vous voir tantôt au festival. Merci beaucoup Yvonne, merci pour cette contribution. Nous sommes maintenant donc toujours dans le hall de la maison communale de Plainpalais